Un moine ayant été révoqué, s'était joint à des voleurs, et vécu par la suite comme un criminel. Venu à sa dernière heure, il fut très alarmé à cause des crimes commis. La conscience, secouée de scissions meurtrières, ne lui laissait aucun répit. Il fit alors venir un père confesseur. Malheureusement pour lui, il tomba dans les mains d'un de ses directeurs, qui se rebut aux pénitents, et à ceux, si redoutables dans leur rigueur, que nul n'ose les approcher. Après avoir entendu sa confession, et effrayé au récit d'une vie si détestable, le prêtre lui dit très directement qu'il n'y aurait pas de miséricorde pour un scélérat comme lui, car ses péchés étaient trop énormes pour en obtenir le pardon. Comment donc, dit le moribond? J'ai de toujours entendu dire sur la bonté infinie de Dieu, qu'à quelque heure qu'on a recours à lui, il est prêt à pardonner. N'usez pas, je vous prie, de cette rigueur, à l'extrême où je suis, mais adressez-moi une pénitence convenable. Quelle pénitence vous donnerai-je? Il n'y en a pas d'assez grande pour vous, répondit-il hautement. Je l'avoue, dit patiemment le malade. Si vous ne voulez pas m'en prescrire une, je vais suppléer à votre défaut. Je choisis de brûler 2000 ans au purgatoire. Voyez la bonne intention que j'ai de réparer les outrages faits à mon Dieu. Je vous conjure de m'absoudre et me donner la grâce de la communion provisoire. Encore moins, dit le père confesseur, nullement touché du regret exprimé par le pénitent. Si je n'ose vous donner une pénitence, comment vous donnerai-je de la sainte communion? Permettez alors que j'écrive la situation de mon âme et vous priez de porter le billet à l'évêque de ma parenté. J'espère ainsi qu'il priera pour moi et que Dieu aura égard à ma bonne disposition, dit le mourant. L'indigne confesseur, après avoir tout refusé à cet ancien moine à l'agonie, dont la contrition méritait d'être mieux traitée, accepta la commission, et le mourant décéda peu de temps après. Bien affligé de cet incident, l'évêque de sa parenté offrit la messe, tous les jours, pour son âme. Au bout d'une année, le mort lui apparut et lui dit que cette année de souffrance lui avait été comptée pour 1000 ans. Que s'il avait la charité de continuer ses messes, il serait délivré à la fin de l'année suivante. L'évêque le fit volontiers. Et c'est ainsi qu'il tira cette âme du purgatoire.